Direction Madrid avec Juan Antonio Vázquez. Bonsoir Juan Antonio. Quelle production allons-nous écouter ce soir? Bonjour les amis, depuis Madrid et depuis l'émission Mundofonías, nous sommes ici une autre fois pour apporter quelques nouveautés concernant les musiques ibériques, lesquelles nous pensons qu'ils vont être intéressants pour vous. Voilà la première. Depuis Madrid, le folk ibérique renouvelé de Balbarda. Le groupe s'appelle donc Balbarda, c'est la première proposition de Juan Antonio ce soir. Et le titre, Danza Processional. Bal Bardas, son nouveau disque Danza de Máscaras, Danse du Masque, qu'ils ont présenté à Madrid samedi dernier. Ici, on pouvait écouter aussi la contribution très intéressante de Javier Pacharinho au saxello. Alors, on va écouter la chanteuse portugaise Nízia et son nouveau disque Delicatessen Café Concerto. La première de sept chansons que nous allons écouter a eu lieu précisément cet été à Bruxelles, au festival Procella, lors du concert du groupe klezmer Meller Mejaya, auquel ils avaient invité Nízia. Maintenant, c'est Nízia qui invite Meller Mejaya dans son nouvel album pour jouer cette cha-cha-cha en Lisboa. Chá-chá-chá em Lisboa, virou fadista, passou na madrugoa, fez-se bairrista, andou nas ruas pela Moirama e fez das suas nos becos da Alfama. Depois pegou numa guitarra e até cantou menor numa barra. Andou todo emproado pelos salões, depois foi ao mercado dos limões e agora vai-se embora e até chora para ficar por cá. Coitado, já deu enfado, não quer ser chá, chá, chá. Chá, chá, chá em Lisboa, virou fadista, passou na madrugoa, fez-se bairrista, andou nas ruas pela Moirama e fez das suas nos becos de Alfama. Depois pegou numa guitarra e até cantou menor numa barra. Andou todo emproado, ouça, pelos salões, depois foi ao mercado. Ai, vergonzinha dos limões, e agora vai-se embora e até chora para ficar por cá. Coitado, já deu enfado, não quer ser. Coitado, já deu enfado, não quer ser. Coitado, já deu enfado, não quer ser. Xa, xa, xa. Oi, desculpem, onde é que estão todos? 3, 4, xa, xa, xa. Bien sûr, il a été un plaisir et j'espère de nous retrouver, de nous rencontrer tout de suite avec plusieurs musiques ibériques. Jusqu'à ce moment-là, je vous invite, j'invite tous les auditeurs à être au courant de nos productions sur notre site web mundofonias.com. Merci Juan Antonio, merci. Nous aurons l'occasion de nous entendre de nouveau un de ces prochains soirs avec d'autres productions, mais grâce à vous, nous avons déjà entendu un extrait du futur disque de Nízia, tel qu'on pourra le découvrir.